Cœur gospel féminin. Alléluia. Amen. Respiration profonde. Dans la poussière, je marche en silence. Le poids du monde sur mes épaules immenses. Mais la lumière perce à travers les ruines. Un chant s'élève, mon âme s'illumine. Les ombres dansent, les murs se plient. Mais ma foi brille dans la nuit. Je porte les chaînes, je porte la croix. Mais je marche droit, j'ai foi en toi. Le vent hurle sur les terres mortes. Les âmes cherchent encore une porte. Je prie pour ceux qui ne sont plus là. Leur voix résonne dans mes pas. Alléluia. Oh, yeah. Keep the faith. Les cendres tombent comme des prières dans ce désert où tout est colère. Mais ta voix chante dans mon esprit, un feu sacré qui jamais ne s'enfuit. Chaque pas, chaque souffle, chaque prière nous guide loin de la misère. Le vent emporte nos doutes et nos peurs. Nous sommes les veilleurs des heures. Je marche dans cette nuit glacée, cherchant la paix dans ta clarté. Même quand la tempête fait rage, je trouve refuge dans ton visage. Keep on walking, keep on praying. Hold me close in the rusted night, whispers lost in fading light. In your arms the fire's alive, in the ruins we survive. Hallelujah, amen. Oh, yes. Sous les étoiles mortes, je chante fort. Un hymne d'espoir contre la mort. La foi brûle dans mon cœur fatigué. Même si le monde est défiguré. Chaque larme, chaque cri, chaque lutte sont des notes dans ma prière brute. Je m'accroche à la lumière fragile. Dans ce chaos, une force tranquille. Les ruines racontent nos histoires d'amour, de peine, de victoire. Je porte tes rêves comme un flambeau. Dans ce silence, je garde le flambeau. Praise the Lord. Keep the fire alive. Que gospel doux en fond. Yeah, oh yes. Le temps s'écoule, mais pas ma foi. Je marche droit, malgré les lois. Du chaos, de la peur, de l'oubli. Je suis la lumière dans la nuit. Tes mains tiennent les miennes serrées. Ensemble on avance déterminé. Nos voix s'élèvent, un seul accord. Dans ce monde mort, notre trésor. Le feu sacré ne s'éteint jamais. Même quand le ciel s'assombrit, dans tes yeux je vois l'éternité. une promesse qui ne ment jamais. Keep on shining, keep on believing. Les murs tombent, mais pas nos rêves. On s'accroche, même quand tout crève. Les cendres volent, le vent emporte nos voix, nos cris, nos corps en escorte. Je t'aime dans ce monde brisé. Chaque instant est à chérir. Même si la fin nous guette, nos âmes s'envolent. En fait, on bâtit des ponts entre les flammes, où la douleur devient une âme. On marche ensemble, pas à pas, dans l'ombre on brillera. Through the ashes, through the pain, we rise again, we break the chain with faith and fire, hearts ablaze. Dans chaque souffle, une victoire. Dans chaque regard, une histoire. Nos cœurs battent contre le néant. Dans ce monde en déclin constant, je t'offre mes mains, ma lumière, pour éclairer cette nuit amère. Ensemble on brise les chaînes, dans l'espoir qui jamais ne s'éteint. Alléluia. Amen. Praise the light. Hold me close in the rusted night. Whispers lost in fading light. In your arms the fire's alive. In the survive. Je garde puissance.